Madame, vous devez prendre vos bagages avant de passer à la douane. Pardon ? Qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez aller chercher vos bagages. Mais... Madame, tous les passagers doivent prendre leurs bagages avant de passer à la douane. Mais j'ai seulement un bagage à main. Ah bon ? Excusez-moi.